pratique souvent, on se voit un coup de vent. Tu dis que tu le sens, mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Dis que je pense sur la guitare, je fais attention à la bubuta. 20 ans que j'ai ma coupe militaire, ils m'ont levé ma vie en gros le mi-père. Tu fais des actions, tu as des mauvaises fréquentations. Et ouais garçon, c'est le réel pas la science-fiction. Je vois que t'en as beaucoup, je suis pas ton avocat. On t'a volé ta moto, pourquoi tu m'appelles à moi? Je t'ai vu avec un traître en photo, et tu me dis que tu l'aimes pas. Tu es lunatique souvent, on se voit un coup de vent. Tu dis que tu le sens, mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? On dit que c'est quand t'as trop de poteaux, qu'en fait j'en ai pas. Faudrait que j'aille à Rio, faudrait que je marie Maria. Que je parte loin du barrio, avec ma moule en grosse garilla. Tu flèches, tu mens, tout ça pour une fille. De là à là, tu mérites une gif. Tu flèches, tu mens, tout ça pour une vie. De là à là, tu mérites une gifle. Tu es lunatique souvent, on se voit un coup de vent. Tu dis que tu le sens, mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Tu es lunatique souvent, on se voit un coup de vent. Tu dis que tu le sens, mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu mens?